tous les jaloux qui la bitch, ils kiffent trop mon style. Non là c'est English, t'inquiète pas, je gère. Dans le rap je gère, dans la street je gère, dans le style et dans mes pas je gère. English I don't game, préparez vos cercles. Mon rap est un recueil à la sagesse qui repose dans ma haine. Des cercles rouges, c'est ma clique, viens. Rejoins-nous dans nos styles. Tous nos places mises par Is. Et alors, nous on vous nie. Yeah. Quand j'entends le rap, plus le MC c'est car ça t'a les feux, comment ils stressent, ils deviennent chauds. MC, t'as pas de couilles, viens les chercher dans ma street. Mais fais gaffe, y'a pas de flic, donc on fait chanter les douilles. Les bolos font le mal, parce qu'on a l'air calme. Donc de nous, ils rigolent, jusqu'au jour où on les claque. Là ils ferment tous leur bouche et rangent leur phase. Du genre nous on baisse tout, parce qu'on sait tous qu'ils viennent de la star. Je suis de retour devant le mic, je viens rapper ma street là. Dédicace à mes potos qui représentent bien Grigny. Genre, tout mam, c'est Cathy, faut qu'ils seront à jamais mes amis. Là c'est rap, viens, en direct de Grigny Hood. Sarko nous écoute, ça risque que de pas lui plaire. On s'en fout, c'est la street là. Donc le loin, nous on les gratte, sur un petit. On prendra pour une entrée. Sarkozy en résistance, pour un on n'est pas pressé. Laisse la place à la tendance, bref. Ce n'est qu'une chose à vous dire, écoutez-moi, faites-vous plaisir. Ouais. Ouais, moi je rappe en studio, dédicace à la prod tout autour. Quand je rappe, on est la bouche, je sais que vous kiffez, mais pour quand même, évitez de rester bouche bée devant mes lyrics de fou. Moi mon rap est fou furieux, on peut le lire dans mes yeux. Moi je parle à ce que je la rends bête, comme personne n'a jamais fait. Dans le rap, tous des incapables, surtout même c'est Katito. Dédicace à mes blédards, à mes amis, à mes potos. Et ça roule. Non. Je sais que j'ai pas faux. Dans le rap, y'a que des bouffons qui sont tout pour le bifon. Mais rap commercial, t'as pas sa place dans le réseau. Grigny Gangsta, viens pas rapper ton faux rap. C'est pas du rap ça. C'est du R&B. Alors MC, viens me sucer la bite. Je représente les gras et potos. Pour dire à tous les casseaux, de pas tester mes couplets. Car mon équipe est au complet. Ouais. Donc si t'as quelque chose à dire, MC, viens dire en face. Ne cherche pas à faire le lâche. À me clash avec des gars et une cagoule. Car de toute façon, je reconnais ton goût. T'es déjà fiché par ma team. Donc barre-toi vite de Grigny. Pas de toutes mes phases, maintenant place aux dédicaces. Ouais. DSR, Katia, Englis, Skaris, Sileon, Boomams, Katito, Eza, Représente Grigny Gangsta, ouais. Le style est certifié, Zer.